vacarme, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez branchés, on écoute Histoire vivante. Histoire vivante, en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Cette semaine, les esclaves. Même si on se pose des questions en fait sur l'humanité de l'esclave, son statut juridique ne change pas. C'est une chose, c'est un bien. Du muet au lix, une révolte en ligne pointillée. Il y a eu deux grandes guerres serviles avant celle de Spartacus. Elles ont eu lieu toutes les deux en Sicile. Et toutes les deux étaient menées finalement dans un contexte assez religieux. Dans le mouvement de Spartacus, il y a des libres qui rejoignent. Donc on est dans un autre phénomène. Nous avons vécu et nous avons enduré tant de caprices de nos maîtres depuis trop longtemps. Tuez les Romains ! Tuez-les tous ! On a beaucoup projeté de fantasmes là-dessus, d'un Spartacus révolutionnaire, d'un Spartacus abolitionniste de l'esclavage. Il n'y a rien de tout ça. Dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, 90% des consuls appartiennent à des lignages comptant déjà un consul. Ce pouvoir endogame est monopolisé par quelques familles qui sont toutes alliées entre elles. Ces hommes se nomment les optimates. On parlerait aujourd'hui de cartel. La République, avec tous ses rouages politiques, militaires et religieux, appartient à un petit nombre d'individus en quête de pouvoir, d'argent et de gloire. Au début de la révolte de Spartacus, le Sénat de Rome compte 600 membres. Mais parmi eux, seule une élite très étroite détient la réalité du pouvoir. Les autres suivent, et les quelques hommes nouveaux sont souvent les plus conservateurs. Pourtant, cet état de fait ne convient pas à la faction des populares et à ses porte-paroles que sont les tribuns de la plèbe. Magistrats élus par le peuple, ils s'appuient sur la foule de leurs clients et sur le forum pour tenter de trouver un nouvel équilibre avec le Sénat. Les enjeux sont nombreux et portent sur la répartition des terres conquises, le logement à Rome, ville énorme et surpeuplée, le rôle réel du peuple dans la vie de la cité et la place des alliés vis-à-vis de Rome. Deux frères, Tiberius et Caius Gracchus, portent successivement ses espoirs et ses projets. Mais leur tentative de réforme tourne court. L'un après l'autre, les deux tribuns de la plèbe tombent sous le poignard d'assassins commandités par l'aristocratie conservatrice. D'autres subiront le même sort après eux. Extrait de Spartacus, entre le mythe et l'histoire, ouvrage édité chez Perrin, d'Éric Tessier. Notre quatrième épisode est aujourd'hui intitulé « Rome antique, Rome politique ». Éric Tessier. L'Antiquité a ça de passionnant, c'est que c'est une période qui est quelque part peuplée de faux amis, dans les termes. Je parlais de l'armatura, qui n'est pas une armure de gladiateur. Et un autre terme qui est très trompeur, c'est la République. C'est un terme romain, res publica. Nous, on traduit ça en république. En fait, si on voulait être un peu plus précis, on dirait la chose publique. Et la chose publique, pour les Romains, c'est l'État. L'État avec un grand E, quoi. C'est vraiment la structure. Et nous, le problème, en ayant cette approche de la république, notamment en France, mais je veux dire un peu en général, tout de suite, on pense démocratie. En fait, c'est pas toujours la réalité, ni aujourd'hui, ni hier. Et ça l'est encore moins à Rome. Parce que c'est une république, certes, très attachée à sa tradition républicaine, qui rejette le pouvoir individuel, le pouvoir monarchique. Rex, c'est un gros mot chez les Romains. Par contre, c'est une république impérialiste, qui est en train de créer un empire territorial, là aussi, imperium. L'imperium, c'est là où s'applique la loi des magistrats de Rome. Et cette république, elle est aristocratique. Aristoïle, le gouvernement des meilleurs, en fait, le gouvernement du petit groupe, hein, c'est une plutocratie, c'est le petit groupe finalement qui se renouvelle et qui va puiser ben, ses consuls, ses prêteurs, on va dire les magistrats les plus importants, toujours dans les mêmes familles. Donc là, on peut parler d'endogamie. Donc, il y a ce pouvoir qui se restreint. Alors, c'est curieux parce que ça se restreint de plus en plus à un petit nombre d'individus, de familles, alors que le monde romain est en expansion. Et donc ça pose des problèmes. Ça pose des gros problèmes parce que ceux qui sont les conquérants, alors certes c'est les généraux qui sont des aristocrates, mais c'est aussi et surtout les légionnaires qui sont des citoyens du peuple, et qui sont en voie justement au fur et à mesure qu'il y a cette expansion de prolétarisation, parce que la guerre dure de plus en plus longtemps, ils se ruinent avec cette guerre, souvent ils reviennent, ils ont perdu leur champ, il a fallu les hypothéquer, on a créé d'énormes latifundias au profit justement des aristocrates, donc il faut qu'ils partent à Rome pour devenir une plèbe qui a toujours des droits, qui vote toujours, mais qui est un peu déclassée, prolétarisée, et qui s'attache justement à la clientèle de tel ou tel grand aristocrate. Et donc ça fait une frustration, et puis il y a des hommes politiques, les tribuns de la plèbe, ils sont là pour ça, pour défendre la plèbe, qui disent « mais ça peut pas durer comme ça, il faut qu'il y ait une réforme agraire, il faut qu'il y ait une redistribution des terres, redonner aux Romains, qui est fondamentalement un petit propriétaire foncier, qui est aussi un citoyen soldat, il faut leur redonner cette dignité. » Et ça plaît pas aux aristocrates, et là c'est les deux tentatives des deux Gracques, les frères Gracques, qui sont assassinés l'un après l'autre par l'aristocratie sénatoriale. Ça mène une guerre civile entre d'un côté les populares, ça veut dire bien son nom finalement, les populaires, et de l'autre côté les optimates. En gros, si on veut simplifier, c'est le camp de la plèbe et le camp du Sénat. Les deux ont chacun leur leader, qui ne sont pas forcément des plébéiens pour les populares. César sera un grand leader des populaires, mais il est d'extraction extrêmement aristocratique. Mais ces deux tendances qui vont amener une guerre civile terrible à Rome, qui va toucher toute l'Italie. Il y a en plus une revendication des Italiens qui ne sont pas encore citoyens romains, qui veulent le devenir, parce que ça fait 3 siècles qu'ils marchent avec les Romains, donc il n'y a pas de raison. Mais les aristocrates ne veulent pas à Rome. Pourquoi ? Parce que ils ont leurs notables, ces citoyens de seconde zone. S'ils devenaient citoyens romains, ils pourraient se présenter aux élections. Ça ferait une concurrence pour les postes importants, glorieux, de consul notamment, chaque année. Donc il y a ces frustrations qui amènent donc des guerres civiles. Alors sans rentrer dans le détail des guerres civiles, il y a quelqu'un qui va en sortir vainqueur peu de temps avant l'époque de Spartacus, c'est Sylla. Sylla, c'est un des tenants du clan des Optimates, c'est le défenseur du Sénat. Il a eu en face de lui Marius, qui est un grand général, Marius qui est d'extraction assez populaire, qui a été donc un populaire, qui n'a après lui. Donc il y a eu des grands noms, mais Sylla finalement sort vainqueur de cette guerre civile, réforme la République dans un sens extrêmement, réactionnaire, très traditionnaliste, tout en faveur de l'aristocratie, et Sylla donc va être dictateur, il va rendre sa dictature, il meurt de sa belle mort donc un an plus tard, donc tout va bien, on se dit au moment où il y a la révolte de Spartacus, le clan populaire est quasiment écrasé, il n'y a plus que quelques foyers de résistance en Espagne, tous les autres foyers ont été réduits, donc c'est la victoire du Sénat, donc tout va bien, les aristocrates vont pouvoir continuer à dominer l'Italie impunément avec ses immenses latifundias, avec ses milliers d'esclaves qui sont le fruit justement de ces conquêtes, qui sont ramenés en Italie, qui fabriquent des produits d'exportation, du vin notamment, que les Romains revendent dans la Méditerranée entière, et jusqu'ici à Nîmes, on retrouve des amphores romaines de cette époque-là, qui tuent d'ailleurs plus ou moins les viticultures locales, parce que justement ils font du vin qui est en grande quantité, qui peuvent vendre pas cher, parce qu'ils vont les transporter, c'est un peu comme les porte-conteneurs chinois aujourd'hui, la main-d'œuvre est pas chère, bon là en l'occurrence, c'est des esclaves. Les conteneurs, c'est les amphores, sont portés pas sur des petits bateaux, mais que mon ami Luc Long, qui est archéologue sous-marin, plonge, il retrouve des épaves avec 5, 6, 7 000 amphores. Donc c'est énorme. Donc c'est pas le coût du transport qui va augmenter le coût du vin. Donc tout ça génère une économie qui est extrêmement lucrative, qui ramène beaucoup d'argent en Italie et beaucoup d'argent dans les caisses de l'aristocratie romaine. Voilà, brossé à grands traits, on est dans ce schéma-là, et avec évidemment beaucoup de perdants de cette première mondialisation qui sont prêts justement à se révolter à la moindre étincelle. Éric Tessier, on en vient aux esclaves dans cette société romaine-là. Est-ce qu'on peut peut-être, en quelques mots, situer ça ou ses places dans la société romaine? Plutarque, on va entendre peut-être avant votre réponse la manière dont il résumait la place de l'esclave dans la société romaine. Caton possédait un grand nombre d'esclaves. C'étaient des prisonniers qu'il achetait, choisissant les plus jeunes et par là les plus faciles à élever et à dresser, comme de jeunes chiens ou des poulains. Caton voulait qu'un esclave fût toujours occupé dans la maison ou qu'il dorme. Persuadés que rien ne portait plus les esclaves à mal faire que l'amour des plaisirs sensuels, il avait établi que les siens pourraient voir, en certains temps, les servantes de la maison, avec défense d'approcher d'aucune autre femme. Plus tard, quand sa fortune se fut augmentée et qu'il donnait des festins à ses amis et à ses collègues, il fouettait avec une courroie, aussitôt après le repas, ceux qui avaient servi négligemment ou mal apprêté quelques mets. Si l'un d'eux avait commis un crime digne de mort, il le jugeait en présence de tous les autres et, s'il était condamné, le faisait mourir devant eux. Voilà, alors Éric Tessier, on a effectivement entendu, non pas le point de vue, mais la précision que Plutarque apportait par rapport à ce caractère bien trempé de Caton, mais on a besoin d'en savoir un peu plus sur cette place de l'esclave dans la société romaine. Là aussi, l'esclave. Quand on dit le mot esclave, bon, de quoi on parle ? Finalement, la connaissance, le sens des mots, c'est souvent des images, c'est des choses qu'on, des représentations mentales. Alors quand on dit esclave, souvent on va penser plutôt aux esclaves noirs du 19e siècle, dans les champs de coton, le commerce triangulaire, les champs de canne à sucre. Bon, dans l'Antiquité, il y a ce type d'esclave. Mais c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus global, je dirais, le monde de l'esclavage. Il y a de tout. C'est-à-dire qu'on a un haut du panier, une aristocratie des esclaves. C'est très simple, ça se comprend. L'esclave, ça vient d'où ? Bah, souvent, c'est un prisonnier de guerre. En tout cas, à cette époque-là, Rome prend des villes entières. Le sort de quelqu'un qui a été dans une ville qui a été prise, c'est un mort-vivant. On peut le tuer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand il n'a pas de valeur marchande. Mais sa seule chance de survie, c'est sa valeur. Alors, après, là, c'est là où on commence à parler business. Le gars, ça peut être un philosophe. Peut-être un musicien, peut-être un artiste. Voilà, on va pas lui faire de mal, parce qu'il a une sacrée valeur. On va pouvoir le vendre jusqu'à 50, 100 000 sesterces. On a des cas comme ça, notamment dans le monde artistique, d'esclaves qui veulent beaucoup d'argent. Après, on a les esclaves, on va dire, c'est les artisans. C'est ceux qui ont un métier. Un potier, on va le prendre et on va le vendre comme un potier. Il a un savoir-faire, on n'a pas à lui apprendre un métier. Puis après, il y a ceux qui sont les esclaves des champs. Donc les esclaves des champs, eux, ils vont avoir, juste finalement, c'est la machine agricole de l'époque. Mais on parle là de rapt en temps de guerre, d'une certaine manière de prise de guerre. Tout à fait, oui. C'est quand même le gros de l'esclavage à cette époque-là. Après, il y a aussi les rapts par la piraterie, qui est terrible à cette époque-là, qui est endémique. Et c'est très dangereux de prendre un bateau et d'aller de Rome à Athènes, parce qu'on peut tomber sur des pirates. Et là, ce qu'ils recherchent finalement, c'est les hommes. Les femmes qui vont devenir des esclaves. Et donc, suivant d'où on vient, suivant ce que l'on sait faire, suivant là où on se retrouve esclave, on a des sorts complètement différents. Il peut y avoir la petite esclave qui est l'esclave personnel d'une matrone, qui va lui brosser les cheveux le matin, qui va lui faire sa toilette, qui va devenir finalement l'ami de la patronne, parce que les gens ne sont pas forcément non plus tous des monstres de cruauté. Et souvent, chez les Romains, ça finit par un affranchissement. Puis, elle vivra dans une domus, finalement, une vie qui n'est pas trop désagréable. À côté de ça, il y a l'esclave des champs, qui, lui, comme dira Caton, il doit dormir ou travailler, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et donc, on va le briser, on va essayer justement d'éviter toute révolte, et on va utiliser sa force mécanique. Et lui, il y a très peu de chances d'affranchissement. Et puis, encore pire, il y a l'esclave des mines, celui qui va travailler dans des carrières, dans des mines de plomb, des mines de cuivre. Et là, c'est l'enfer sur Terre. Et là, l'espérance de vie est très, très limitée. Et puis, il y a l'esclave gladiateur. À cette époque-là, le gladiateur est encore un esclave. Et pour lui aussi, le sort est encore différent, parce que tant qu'il est vivant, ça va. Parce qu'il a une valeur marchande. On veut qu'il soit en bonne forme, en bonne santé, puis en plus qu'il sache combattre. Donc on va l'entraîner. Mais c'est pas une carrière qui offre beaucoup de perspectives à cette époque-là. Parce que je pense qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore l'idée justement de gracier le vaincu, la possibilité de gracier le vaincu. Cette histoire un peu fantasmée du pouce levé ou baissé, bon, c'est pas le geste qu'on faisait, mais il y avait l'idée à l'époque de l'Empire, en fait, de donner la grâce au vaincu s'il avait bien combattu. Et pour ça, on agitait en fait un mouchoir, la mappa. Et donc, on a ça, c'est quelque chose qui apparaît en fait après Spartacus. Avant Spartacus, on est dans ce que j'appelle, de ce mot un peu cruel, le déstockage. Donc en fait, c'est un combat ciné-missionné, c'est-à-dire il n'y a pas de renvoi, la missio c'est le renvoi, il n'y a pas de renvoi possible, on est vaincu, on est mort. Les gladiateurs, Éric Tessier, sont-ils systématiquement désignés ou sait-on parfois si certains se portent volontaires ? Alors, à cette époque-là, c'est-à-dire, bon, on parle de Spartacus, entre 73 et 71 avant Jésus-Christ, on est vers la fin de la République romaine, il n'y a aucune trace de gladiateurs volontaires. C'est quelque chose qui apparemment vient après, c'est quelque chose qui légalement donc est connu, c'est l'octoratus, c'est-à-dire le gars qui vient voir un lanista, c'est-à-dire un patron de gladiateur, en fait ça veut dire marchand de viande, quoi. C'est péjoratif, mais c'est un impresario quelque part. Eux-mêmes s'appelleront négociatores gladiator, c'est-à-dire négociant gladiateur, c'est déjà mieux. Et il dira, voilà, bon, ben moi je suis passionné de gladiateur, je veux être gladiateur, bon ok, voilà, t'es assez costaud, on va voir ce que tu vaux. On va te donner une prime d'engagement. Tu vas aller devant un magistrat pour dire, voilà, moi, pour, alors on sait pas exactement si c'est un délai qui est donné, si c'est un nombre de combats où la vie est mise en jeu. Ça doit être quelque chose un peu comme ça. Et le magistrat dit, bon, ben, ok, tu fais ça par ta propre volonté. Tu mets entre parenthèses, finalement, ta dignité d'homme libre. Et, ben, pendant le temps de ton contrat, ton laniste peut te brûler, te fouetter, te tuer. Parce que tu l'as bien voulu. Voilà. Et contre argent. Mais ça, on ne le voit qu'à l'époque, extrême fin de la République et surtout au Empire, en fait, après Auguste, à partir d'Auguste. Avant non, parce que justement, alors, c'est une hypothèse, moi c'est comme ça que je le lis, je pense qu'avant il y avait cette massification de la gladiature et les Romains n'avaient pas envisagé le danger qu'il y avait d'entretenir des centaines, peut-être des milliers de prisonniers de guerre, que l'on va non seulement garder, mais en plus entraîner au combat, mais un combat en plus à mort, un combat où il faut tuer l'adversaire, et qui peuvent se révolter. Et avec le danger que ça soit le feu aux poudres, et tout explose, et ça s'est passé exactement comme ça avec Spartacus. Après, donc, il y a eu deux solutions. Soit on interdit la gladiature. C'est exactement comme si aujourd'hui on disait, on interdit le foot, c'est pas bien. Bon, c'est même pas imaginable. Soit on se dit, bon, on va changer les choses, on va professionnaliser la gladiature. Et cette gladiature que j'appelais ethnique avant Spartacus, on voit qu'elle devient technique. C'est-à-dire que certaines appellations d'armaturée gauloise ou stagnite vont disparaître, ou plutôt muter, sur de nouvelles appellations, nouvelles armaturées, qui, elles, ont un profil beaucoup plus technique. Et le plus fameux de tous, c'est le rétière, qui lui a été vraiment inventé en tant que gladiateur, quelqu'un qui n'a pas de correspondance dans le monde militaire, et qui est là pour faire du spectacle. Et lui, c'est un technicien. Donc, voilà, à cette époque-là, je dirais qu'il n'y a pas de volontaires dans la gladiature. Alors, il y a peut-être des gladiateurs qui s'en sortent, qui peuvent devenir des doctorés, c'est-à-dire des entraîneurs de gladiateurs. Ça, on a ce profil-là du gladiateur qui transmet son savoir aux gladiateurs, mais aussi aux légionnaires, à partir de 105 avant Jésus-Christ. Mais pour le reste, c'est de la chair à canon. Pour le reste, c'est des esclaves auxquels on offre une parenthèse de survie, quelques semaines, quelques mois, une très hypothétique survie en cas de victoire. On n'a même pas à les payer, c'est des esclaves en plus. Donc la perspective, c'est que c'est vraiment, ils sont très bons, c'est-à-dire qu'ils ont survécu à X spectacle, X combat. On va dire, bon, lui, il a vraiment une bonne technique. Donc on va le garder et il apprendra sa technique aux autres. Mais à part ça, bah, c'est la mort quasiment assurée. Autrement dit, Éric Tessier, l'affranchissement n'est jamais envisageable. C'est le problème des sources, là encore. On n'a aucune source qui nous permet de dire qu'il y a une gladiature qu'on pourrait appeler professionnelle dès cette époque-là. On la voit émerger, mais il faut lire vraiment, il faut chercher, c'est pas énorme comme source, plutôt des indices. On la voit plutôt émerger entre l'époque de César et d'Auguste, c'est-à-dire juste après Spartacus, et elle est bien établie, avec même des lois, des règles, qui apparaissent, on va dire, à la fin du règne d'Auguste. Avant, on n'a rien. Avant, il est juste question d'esclaves qui sont vendus au marché, parfois en lot, c'est le cas de Spartacus, pour devenir gladiateurs sans qu'on leur pose la question, mais on va dire sur avec quelques références. Bon, bah, ils ont été brigands, ils ont été guerriers, ils ont été soldats d'une armée vaincue. Ils ont quelques bases. On sait qu'avec un pédigré comme ça, on va pas en faire de paisibles paysans. Donc autant les utiliser pour ce qui savent faire, bah, évidemment avec un contrôle extrêmement rigoureux. Spartacus ! Tu charges sans réfléchir. Une faiblesse dont pourrait profiter ton adversaire. Le cul par terre, y a pas la moindre chance. Tu parles aussi sans réfléchir. Une autre faiblesse. Éric Darce, est-ce que on a réussi aujourd'hui à dater une première révolte? Et si jamais on a réussi ce formidable exploit de recherche temporelle, a-t-on également glané au passage la cause de cette révolte? Alors oui, parce que là c'est facile, parce que les Romains, alors le Romain a un défaut qui est sa qualité, il déteste avoir peur, et quand on lui a fait, on va dire, un coup, il ne l'oublie pas. Donc grâce à ça, ça nous permet, en tout cas nous historiens, d'avoir quand même des dates sur les révoltes qui leur ont fait peur. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres ailleurs, hein. Mais en tout cas celles qui leur ont fait peur, et celles qui leur ont fait peur, on en a deux. Avant bien sûr celle de Spartacus, qui va être la dernière, mais deux, et notamment en Sicile. Une, mes souvenirs, c'est en moins 139, elle commence en moins 139, se termine en moins 132. C'est intéressant parce qu'elle dure quand même 7 ans. Et la seconde, toujours en Sicile, elle commence en 104 et se termine en 100, à peu près. Alors, la première, ce qu'on appelle la première révolte servile, elle est le fait d'un certain Eunus, ou Eunos, qui est d'origine syrienne, en tout cas on le présente comme tel, et qui... se prétend être le prêtre d'une divinité syrienne quelconque, et qui bien sûr voit les dieux lui parler. Et il se trouve que c'est un esclave aussi, hein. Ses compagnons d'esclavage et de servilité vivent véritablement un enfer avec un propriétaire qui s'appelle Damaphile et qui ne les nourrit pas, ne les habille pas. À tel point d'ailleurs que ces esclaves sont obligés de rapiner, de voler les domaines autour pour pouvoir se nourrir. Et bien évidemment, s'ils se font prendre, ils sont crucifiés dans le meilleur des cas. Et donc, ils décident un jour, devant les mauvais traitements de ce personnage, et bien sûr aussi de sa femme qui joue un rôle assez perfide dans l'histoire, de se révolter. Ils vont voir ce fameux Eunus. Et en lui demandant si les dieux sont d'accord. Et lui, bien évidemment, il dit que les dieux sont d'accord. Donc, il s'attaque à la villa et à leur propriétaire. Il les expose dans le théâtre de la petite cité voisine. Il massacre une bonne partie des libres. Et eux vont être massacrés aussi, bien évidemment. La seule qui va, en fait, survivre, c'est la fille de Damaphile, puisque cette fille avait montré de l'amitié, de l'humanité envers les esclaves. C'est-à-dire qu'elle se cachait, elle s'est obligée de se cacher pour pouvoir donner à manger, pour pouvoir donner un ou deux vêtements. Et donc, ils vont l'escorter jusqu'à Catane. Mais elle, c'est la seule qui va survivre. Les autres libres vont être transformés en esclavage. Alors cet Eunus va aussitôt profiter de cet élan, on va dire, d'admiration de sa population esclave. Au départ, ils sont que 400. Mais très vite, ils vont être 2000, 3000. Et Eunus se fait élire roi sous le titre d'Antiochus. Voilà, il est le roi, il fonde un royaume, et là, il va frapper monnaie. Et il va être rejoint par un autre esclave qui lui aussi se révolte à quelques dizaines de kilomètres, toujours en Sicile, qui s'appelle Cléon. Lui, avec un peu moins d'envergure, on va dire, au niveau de la parole et du charisme, mais qui possède à peu près entre 500 et 1000 hommes, et il vient faire allégeance à Antiochus, et Antiochus, en bon oriental, le fait stratège. Et très vite, l'armée commence à être assez imposante, on parle de 20 000 hommes, et même des chiffres beaucoup plus élevés que ça, et ça va donc durer un certain temps. D'ailleurs, les Romains vont d'abord prendre difficilement conscience du phénomène. C'est au sud, c'est loin, c'est de l'esclave, on va vite régler la situation, mais non, ça va prendre, je vous dis, ça se termine vers moins 132, et il va falloir faire des sièges. Les survivants du siège vont être tous poussés dans un ravin. Enfin bon, bref, la vengeance romaine, quand ils ont peur, c'est aussi bien donc s'exprimer. Et donc là, encore une fois, c'est bien la maltraitance des esclaves qui génère cette fois-ci cette révolte. Et il y en a une seconde. Alors on peut pas difficilement parler de révolte, c'est plus une sorte de méconnaissance ou de mépris. On est entre 104 et 100, et Marius, le grand Marius, est en train de combattre, notamment avec les Cimbres, les Teutons. Enfin, la situation de Rome n'est pas tout à fait des plus faciles, des plus aisées, et il a besoin d'augmenter les légions, en tout cas d'avoir des apports d'alliés. Et les alliés du moment refusent de l'aider, et donc il est décidé de faire appel aux alliés qui sont en fait serviles, qui ont perdu la guerre mais qui peuvent être des combattants. Et certains, donc, je crois que il va se faire appeler Tryphon, je me rappelle plus de son nom exact, qui est vient se proposer avec, je crois, à peu près pareil, 300-400 hommes pour bien aider Rome. Et en fait, Ça n'arrange pas justement les propriétaires de la région qui voient ainsi perdre une partie de leur main d'œuvre et qui surtout pourraient donner un mauvais exemple à ceux qui restent et font en sorte de refuser cette aide. Et après, donc, on s'en tire à une révolte, révolte qu'on estime à peu près, qui va coûter à peu près 20 000 morts aussi. Éric Dars, qu'est-ce que la révolte de Spartacus, selon vous, contient de singulier, si toutefois on peut parler de différence et de singularité? On sent qu'on part toujours de quelque chose qui est un premier mouvement. Mais on sent qu'aussi il y a, au-delà de l'accroissement en nombre d'hommes, d'armes, de territoires conquis, on sent que les choses mûrissent en quelque sorte, surtout que ça dure quelques années quand même. Donc les choses ont peut-être aussi le temps d'être réfléchies. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors là, sur la révolte servile de Spartacus, bon, moi ce que je pourrais vous dire dessus, c'est que la différence entre les deux premières révoltes serviles, c'est que les deux premières justement sont des révoltes serviles, purement serviles. Il y a quelques sites, mais vraiment, je pense plus par peur qu'autre chose. Tandis que dans le mouvement de Spartacus, il y a des libres qui rejoignent. Donc on est dans un autre phénomène. D'ailleurs, c'est certainement le fait qu'il y a des libres, des femmes, des enfants, que l'armée de Spartacus, ou en tout cas que le maelstrom de Spartacus soit aussi vaste et aussi différent du reste, c'est ça qui a donné le romantisme et que certains et certainement ont vu voilà le révolté des temps modernes. Mais ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Pardonnez-moi, mais ce sont d'abord essentiellement des hommes, et sans doute après, par effet d'aimantation, des femmes, deux, d'après ce que dit Éric Tessier. C'est difficile de suivre une troupe qui avance aussi vite. Je ne me rappelle plus exactement à quelle vitesse ils marchent par kilomètre, mais enfin voilà, on peut les suivre 100 mètres, et puis après on passe au bloc respiratoire. Comment on fait? Alors attention, oui, effectivement, il y a les femmes, mais je vous rappelle que d'abord, il est dit dans plusieurs sources que les femmes vont combattre. Les femmes gauloises et les femmes germaines sont au combat. Et faut pas prendre les femmes forcément pour des êtres plus inférieurs que d'autres aujourd'hui. Il y a des femmes qui font. Je m'en garde. Qui font le triathlon et croyez, là c'est pareil. Moi je les suis 200 mètres et je pense que j'ai une crise cardiaque. Donc soyons clairs là-dessus. Non, je crois que la différence c'est qu'il y a bien des libres, qu'il y a. Alors à l'inverse, notamment de la première, où en fait il y a une communauté culturelle et ethnique des esclaves qui se révoltent. Ce qui n'est pas le cas de Spartacus. Bon, là, on a un panel extrêmement large entre les Gaulois, les Thraces, les Orientaux. Et d'ailleurs, ça va lui poser problème, justement, cette multiculturalité. Parce que les gens sont pas forcément d'accord. Donc c'est essentiellement cela. Après, effectivement, mais c'est un groupe de gladiateurs qui va se révolter. Ils se révoltent venant de Capoue. Certainement dû à des mauvais traitements. Les Capouans n'étaient pas des... ayant très mauvaise réputation, quand même, là-dessus. Mais on est plus certainement dans quelque chose de au départ. Après, je sais pas, faudrait que Éric Tessier confirme là-dessus, mais on est plus dans une respiration, une explosion, un coup de colère qui va se transformer dans un vaste mouvement qui va faire très peur à Rome. Alors celui-là, il va faire vraiment très peur à Rome. Et c'est précisément de cela dont nous reparlerons demain en compagnie d'Éric Tessier, auteur de Spartacus, entre le mythe et l'histoire, ouvrage paru chez Perrin. Notre épisode était intitulé « Rome antique, Rome politique ».